Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les camps de prisonniers allemands au Canada durant la Seconde Guerre mondiale. C'était amusant parce qu'à ce moment-là, c'était la première fois, nous qui n'étions pas allés à la guerre, que nous avions l'occasion d'avoir des soldats allemands. Ils étaient très industrieux. Je ne sais pas si nos prisonniers dans les camps ennemis faisaient la même chose. Ils travaillaient le fer, on leur donnait toutes sortes de matériaux. Ils s'ennuyaient, bien sûr, la plupart d'entre eux écrivaient, mais travaillaient de leurs mains, faisaient des choses, et des choses extrêmement intéressantes. L'animateur Roger Beaulieu à l'émission « La vie quotidienne des Québécois de 1939 à 1945 », émission diffusée en 1975. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Canada va détenir près de 35 000 prisonniers de guerre allemands dans des camps de détention qui sont répartis dans différentes régions du pays. Certains de ces prisonniers, amenés à travailler à l'extérieur des camps, seront en contact direct avec la population locale. Bon nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont revenir s'établir au Canada quelques années après la guerre. Le camp des Trois-Rivières a été important, puis ça a commencé, ça, au mois de mai 1940. Voici ce qui est arrivé, c'est que en Angleterre, ils recevaient, évidemment, les gars qui tombaient du champ d'aviation, les aviateurs qui tombaient en Angleterre, puis un peu partout, qu'ils pouvaient ramasser. Les marins qui étaient pris, saisis, les bateaux étaient saisis. Puis en plus de ça, les Juifs qui se sont sauvés de l'Allemagne quand ils ont vu ce qu'il y en était. Alors, ils les envoyaient ici en internement. Aux Trois-Rivières. Des Juifs allemands. Des Juifs allemands. Et puis, on avait ici une quinzaine d'aviateurs au début, dans le premier voyage. Hein? Et à la suite de ça, le deuxième voyage est arrivé à une gang de Juifs. Et quand les Juifs sont arrivés ici, les autres les détestaient assez qu'en les voyant arriver, ils criaient « Youdé! Youdé! » en voulant dire des mots du Juif qui arrive. Hein? Parce que dans le camp de prisonniers de Trois-Rivières, les Juifs et les Allemands étaient ensemble. Oui, mais ils étaient séparés. Parce que la chicane pognait, et ça se tolérait pas du tout. Alors, ils étaient confinés, chacun dans un des édifices spéciaux. Conrad Godin, à l'émission « La vie quotidienne des Québécois de 1939 à 1945 », diffusée en 1975, pour nous raconter cette histoire des camps de prisonniers de guerre allemands au Canada durant la Seconde Guerre mondiale, je reçois l'historien Jean-Michel Turcotte, qui est chercheur postdoctoral à l'Université de Potsdam en Allemagne et qui s'intéresse particulièrement à la question des prisonniers de guerre. Jean-Michel Turcotte, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Cet épisode des camps de détention de prisonniers allemands au Canada au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est un épisode qui est assez peu connu, même chez les historiens. À certains égards, on l'a un peu oublié, cet épisode-là. Pourquoi? Bien, en fait, je vois deux raisons pourquoi cet épisode-là demeure encore méconnu, même au Canada. D'abord, il faut dire que l'histoire de la participation canadienne à la Seconde Guerre mondiale est axée sur les campagnes militaires. Donc, la participation des Canadiens en Normandie, en Italie, la bataille d'Atlantique. Alors que partie de l'histoire des prisonniers de guerre est peut-être moins glorieuse, moins héroïque que celle des soldats au front. Ça peut être une raison. Mais la deuxième raison, à mon avis, qui est peut-être plus importante encore, c'est l'expérience elle-même, qui est peut-être questionnable en soi, qui soulève des questions. Alors, c'est pour ça que peut-être qu'on a voulu éviter ou moins aborder cet aspect. Oui. Puis effectivement, on va la revisiter, cette histoire-là, puis on va voir pourquoi il y a des aspects de cette histoire-là qui sont effectivement, comme vous dites, questionnables. Il faut remettre les choses en perspective. Évidemment, c'est l'époque, c'est la Seconde Guerre mondiale. Un mot avant de s'attaquer à ces camps de prisonniers durant la Seconde Guerre mondiale pour parler de ceux qui ont existé aussi durant la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y a eu des camps au cours des deux grandes guerres, 14-18, 39-45. Comment est-ce qu'on compare les choses quand on compare... Oui. 14-18 à 39-45. Oui. Bien, en fait, le phénomène de prisonnier de guerre, on peut remonter aux guerres antiques. Là. Chaque guerre, on fait des prisonniers de guerre. Mais le terme prisonnier de guerre diverge d'un conflit à l'autre. Alors, dans le cas canadien du Canada, durant la Première Guerre mondiale, on parle plutôt d'internés. Donc, ce sont des civils internés qu'on emprisonne pour différentes raisons, mais principalement en raison de leur nationalité. Des gens qui vivent ici. Tout à fait. Mais qui sont originaires de pays ennemis. Tout à fait. Ouais. Donc, dans le cas de la Première Guerre mondiale, on parle en, en tout, grosso modo, de 8500 internés civils qui ont été dans des camps, dans environ 24 camps. Alors que dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, on retrouve encore une fois des internés civils. Alors, hein, faut comprendre que quand le Canada déclare la guerre, mais il y a la loi sur les mesures de guerre aussi, et plusieurs personnes qui ont immigré dans la décennie avant 1939 sont suspectées de peut-être partager des idéaux ennemis. Alors, ils sont, pour la plupart d'entre eux, sont internés. Donc, Italiens, évidemment beaucoup de Japonais après l'attaque de Pearl Harbor. Ouais. Et outre les internés, il y a aussi des prisonniers de guerre, donc vraiment prisonniers de guerre au sens propre, au sens défini par le droit international, ouais. Donc la Convention de Genève, c'est-à-dire un membre des forces armées officielles, ouais. Donc un soldat autrement dit. Ouais. Et c'est eux beaucoup qui seront, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, qui vont se retrouver dans les camps de prisonniers, comparativement à la Première Guerre, où c'était plus des gens qui vivaient ici. C'est en juin 40 que les premiers prisonniers de guerre allemands débarquent au Canada. Dans quel contexte ces prisonniers, oui, débarquent chez nous? Alors, quand la guerre se déclare en Europe, en septembre 1939, donc les Britanniques entament la bataille de l'Atlantique, et dans les premiers mois de la guerre, il y a très peu de captures. Donc, ouais, quelques sous-mariniers, aussi la marine marchande, mais il n'y a pas de combat terrestre encore en Europe. Et là, la situation change en mai 1940 avec la défaite de la France. Ensuite, il y a le... Quand l'Allemagne ouvre la machine, parce qu'il y a comme quelques mois où il se passe à peu près rien. Là, ce qu'on appelle la drôle de guerre. Ouais. Mais tout à fait. Alors là, avec l'offensive vers l'Ouest, il y a des combats et les Britanniques capturent des prisonniers allemands qu'ils transfèrent avec le rapatriement à Dunkerque avec eux vers la Grande-Bretagne. Ouais. Et là, dans le contexte de 1940, juin 1940, il y a un risque d'invasion de la Grande-Bretagne. Les autorités britanniques, ils craignent que les forces allemandes vont venir envahir la Grande-Bretagne. Alors, ils décident de transférer les prisonniers de guerre allemands qui sont jugés très dangereux, des, oui, individus très dangereux, outre-mer. Alors là, ils cherchent les options possibles et dans les archives, on voit toutes les options évaluées. On veut les envoyer sur des îles en Asie, mais là, ça coûte trop cher. Et là, on pense au Dominion, donc, oui, le Commonwealth. Et parmi les Dominions, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada a choisi la meilleure option, l'option la plus facile, oui, en raison de l'accès et aussi les ressources disponibles. Donc, c'est en 1940 que Londres demande à Ottawa, est-ce que vous pourriez prendre des prisonniers de guerre pour nous? Et c'est le pays du Commonwealth, le Canada, qui va en accueillir le plus? Tout à fait. Donc, oui, le Canada va en accueillir 34 700, aller, oui, jusqu'en 1945. Mais l'Australie va en accueillir quelques-uns aussi, l'Afrique du Sud jusqu'à 2000. Oui. À quoi ressemble la vie de ces prisonniers dans les camps maintenant? On en parle dans un instant, mais juste avant, on écoute à nouveau Corrade Godin qui en parle à l'émission La vie quotidienne des Québécois de 1939 à 1945. Évidemment, quand on arrivait au camp de concentration, puis qu'on ne pas, en commençant, c'était Heil Hitler, c'était le commencement du repas. Puis je veux dire quelque chose au point de vue de la nourriture. Ils avaient le cuisinier en chef du Bremen, qui était le grand navire allemand qui était pris. Puis on l'avait ici aux Trois-Rivières pour les officiers. Ce gars-là, il faisait une cuisine avec les mêmes aliments qu'on avait, nous autres, notre corps de l'armée, nos soldats, nous autres. Mais le cuisinier en question les nourrissait d'une façon. On avait des plats délicats, puis bien faits, puis bien présentés. Tu sais, c'est bien important, ce chose-là. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que dans les poubelles de l'armée allemande, des Allemands, là, des prisonniers, il restait pratiquement rien. Prends par exemple les carottes. Nous autres, on va prendre une carotte, puis on va couper le verre, hein, pour jeter ça à la poubelle. Eux autres, non. Ils coupaient tout ça, puis ils mettaient ça dans les patates, dans la soupe, tout ce que vous voulez. Alors, c'était des minéraux. Ça avait une valeur exceptionnelle. Alors, bien sûr, il y a la qualité de la cuisine qui est servie aux prisonniers, dont parlait Corrade Godin, mais il y a plus que ça, Jean-Michel Turcotte, à dire sur les conditions de vie dans ces camps de prisonniers de guerre allemands. Ça ressemble à quoi? Alors, pour comprendre les conditions de détention, il faut se référer à la Convention de Genève. Oui. Donc, c'est elle qui dicte un peu les règles à suivre, qui structure cette captivité de guerre. Et elle stipule que le pays en charge des prisonniers doit fournir les mêmes conditions de détention que ses propres soldats. Donc, oui, dans l'extrait que vous venez de montrer, on parle de nourriture. Et là, en termes de calories que le prisonnier a droit, mais c'est le même nombre de calories que le soldat canadien avait le droit, oui, à l'époque. Et la Convention de Genève aussi, elle est surveillée dans un sens. Il y a des observateurs neutres qui viennent dans les camps. Donc, principalement deux acteurs, le Comité international de la Croix-Rouge et la Suisse. Donc, oui, la Suisse qui devient l'intermédiaire diplomatique de l'Allemagne. En période de guerre, l'Allemagne n'avait plus d'ambassade au Canada, vous comprendrez bien. Alors, c'est la Suisse qui sert d'intermédiaire et qui vient visiter les camps pour prendre les plaintes de prisonniers. Donc, si on se fie à ce genre de documents-là, les conditions sont très, très bonnes. Oui. Donc, le Canada respecte la Convention de Genève, les conditions en termes de nourriture, de matériel, de couchage, la qualité des baraquements respectent les normes établies. Oui. Et non seulement la Convention de Genève est respectée, mais il y a ce choix, je pense que c'est un choix. On décide de confier en quelque sorte aux prisonniers la gestion du « arrangez-vous, gérez ça comme vous voulez ». Ce qui va donner, on l'entendait au début de l'émission, Karel Godin disait, il y avait le Heil Hitler. Ça ressemble à quoi, l'état d'esprit dans les camps, dans la mesure où c'est les nazis qui sont là beaucoup et on leur dit, ben, faites rouler la baraque finalement. Oui, en fait, les prisonniers ont le droit de nommer un représentant que ce dernier, au nom du prisonnier, peut envoyer des plaintes ou dialoguer avec le chef du camp, donc négocier. Et dans tous les camps, ce qui arrive, normalement, la nomination du chef de camp est automatiquement l'officier le plus haut gradé. Ouais. Et ce que les autorités canadiennes s'aperçoivent, parce que là, il faut comprendre que tout se passe relativement vite. Les prisonniers débarquent en juin 1940, les Canadiens doivent organiser les camps. Et là, en termes de gestion dans le camp, donc qu'est-ce qu'ils vont manger, qui s'occupe des cantines, qui s'occupe du nettoyage quotidien, de la maintenance, mais ils laissent ça aux prisonniers. Et là, avec le temps, les autorités canadiennes s'aperçoivent que plusieurs prisonniers s'affichent ouvertement pour l'idéologie nationale-socialiste, l'idéologie nazie. Et les prisonniers sont des soldats, alors qu'ils font des manifestations dans les camps, des manifestations politiques, évidemment. Oui. Alors, les autorités canadiennes s'aperçoivent que un certain groupe de prisonniers exerce une influence politique sur l'ensemble du camp. Oui. Donc, et là, ils commencent à identifier les individus qu'ils qualifient comme nazis ou extrémistes ou fanatiques. Donc, ça donne un état d'esprit assez particulier qui va conduire dans un cas qui est devenu célèbre. On ne peut pas faire cette histoire des camps de détention de prisonniers allemands au Canada sans parler du soulèvement de Bowmanville en Ontario en 1942. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là se soulèvent et qu'est-ce qui se passe au moment du soulèvement en octobre 42? Oui. Alors, rapidement, il faut comprendre que dans le réseau canadien, on parle d'environ 24 camps où il y a eu des prisonniers de guerre allemands. Les prisonniers sont divisés entre officiers, non-officiers, et ensuite, à l'intérieur des camps, ils sont divisés selon les corps d'armée, donc la marine ensemble, l'aviation allemande et l'armée de terre ensemble. Et le camp de Bowmansville, 75 km de Toronto, est un camp pour officiers. Et là, à l'été 1942, il y a une opération militaire en Europe qu'on appelait le débarquement à Dieppe. Les Alliés ont essayé de débarquer à Dieppe, donc deux ans avant le débarquement de Normandie. Et c'est une opération militaire qui tourne mal pour les forces britanniques, et les autorités allemandes font beaucoup de captures. Et quand les autorités allemandes capturent des prisonniers britanniques, ils découvrent des documents sur les soldats britanniques stipulant ou demandant de menotter les éventuels prisonniers allemands, ce qui est, tout dépendamment comment on interprète la Convention de Genève, interdit par le droit international. Oui. Le prisonnier de guerre ne doit pas être menotté, étant donné que ce n'est pas un criminel. C'est ce qu'on va appeler l'affaire des menottes. Oui, donc. Et qui va conduire, en fait, à des tiraillements entre les forces alliés, surtout le Royaume-Uni, parce que c'est les soldats britanniques dont vous parlez qui ont ces documents sur eux, et l'Allemagne. Oui. Et ça aura un impact sur les conditions de détention des prisonniers au Canada. Tout à fait. C'est d'où qu'on en vient à Bowmansville. Et là, l'Allemagne, en guise de représailles contre ces documents, décide de menotter les prisonniers britanniques qui ont été capturés à Dieppe tant et aussi longtemps que Londres révoque cet ordre. Oui. Et là, Londres, en réponse à l'Allemagne, décide eux aussi de menotter les Allemands tant et aussi longtemps que les prisonniers britanniques ne sont plus menottés. Alors là, étant donné que la majorité des prisonniers allemands se retrouvent au Canada, alors on demande aux Canadiens, pouvez-vous menotter, s'il vous plaît, les prisonniers allemands? Ouais. Alors là, les Canadiens s'exercent et les prisonniers allemands résistent. Il y en a plusieurs qui résistent d'abord plus pacifiquement. On refuse l'appel du matin, grève la faim, etc. Mais là, au camp de Bowmansville, la situation éclate. Les prisonniers refusent systématiquement de se faire menotter et se barricadent dans la cantine du camp et il devient un affrontement avec les gardiens. Et les gardiens du camp sont complètement dépassés par la situation. Ils font même appel à un bataillon de l'armée canadienne pour venir charger le baraquement. Et au tout, on parle entre 100 et 300 prisonniers qui se sont embarricadés, qui ont participé à la révolte dans le camp. Et à la fin, deux prisonniers ont été blessés par balle. Un gardien, on retrouve avec une fracture du crâne. Alors, c'est un événement violent. Et là, à la suite de cet événement-là, le Canada refuse systématiquement de respecter cette demande britannique. Et même sans même consulter Londres, les autorités canadiennes contactent la Croix-Rouge et la Suisse pour leur dire que eux, non, ce n'est pas leur politique de vouloir faire cette politique de représentation. Autre épisode célèbre dans cette histoire des camps de prisonniers allemands au Canada durant la Seconde Guerre mondiale, c'est le cas du baron Franz von Werra, qui est devenu célèbre et qui va réussir à s'échapper. Donc, c'est un cas d'évasion réussi. Son histoire a d'ailleurs été racontée dans un livre, puis dans un film. Où est-ce que je suis? Tu es à Ochsenburg, mon gars. En Amérique? Oui. Ochsenburg, États-Unis. Allez. Allez, debout. Je suis officier de l'aviation allemande. C'était prisonnier de guerre. Se réclame le droit d'asile dans un pays neutre. Vous n'avez rien à réclamer du tout. Je vous arrête. Venez. Ah, merci. Merci. Extrait du film réalisé par Roy Ward Baker en 1957, « The One That Got Away », l'évadé du camp en français. Racontez-nous cette histoire complètement abracadabrante de cette évasion du baron Franz von Werra, Jean-Michel Turcotte. Oui, Franz von Werra, aviateur allemand, se fait capturer en Grande-Bretagne devant la bataille de l'Angleterre, réussit à s'évader d'un camp en Angleterre, vole des vêtements civils, appelle un taxi, se rend à l'aérodrome le plus près et se fait passer pour un pilote hollandais et demande de réquisitionner un avion pour une opération secrète. Et la personne en charge de l'aérodrome, au départ, croit l'histoire, mais automatiquement vérifie, et on l'arrête, le prisonnier von Werra. Alors là, on le transfère au Canada pour être sûr qu'il ne s'évade plus en Angleterre. Il débarque à Halifax, alors transféré par train jusqu'au camp, et durant le trajet par train, s'évade à travers la fenêtre du train, et ensuite, un coup sorti du train, traverse les lignes vers les États-Unis. On se remet en contexte de 1941, les États-Unis sont encore neutres à cette époque-là. Donc là, aux États-Unis, il se rend à l'ambassade américaine. Et là, grâce à un soutien de l'ambassade américaine et un réseau souterrain un peu, les autorités allemandes l'envoient à travers le Mexique, en Amérique du Sud, donc à travers le Mexique et en Brésil. À partir du Brésil, regagne Barcelone et ensuite Rome et regagne Berlin par la suite. Il s'agit du seul prisonnier s'étant évadé qui a réussi à regagner l'Allemagne. Et c'est même pas rendu dans un camp canadien, lui. Qui partait d'Halifax, il réussit à s'évader. Puis évidemment, ça va devenir une espèce de célébrité. Hitler va célébrer cette évasion. Il reprend du service dans l'armée allemande. Ah oui, bien, les autorités allemandes hésitent à en faire un héros, étant donné qu'on ne veut pas trop rappeler à la population qu'ils ont des proches prisonniers à l'étranger. Mais on le décore de la Croix de guerre, mais il meurt quelques mois plus tard sur le front Est. C'est un aviateur. Ouais. Bon, autre épisode vraiment très, très intéressant de cette histoire des camps de prisonniers allemands au Canada, ce qu'on appelle l'opération Kibitz en 1943. En quoi consiste cette opération-là? L'opération Kibitz, c'est des prisonniers au camp de Bowensville, encore une fois, un général allemand célèbre, Otto Kretschmer, qui est un sous-marinier, décide de rentrer en contact avec Berlin à travers la correspondance, les codes secrets. Il réussit même avec ses collègues à fabriquer un radio-émetteur dans le camp. Et là, ils organisent son évasion et le plan consiste à s'évader du camp de Bowensville et de se rendre jusqu'à dans la région de la Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, pour qu'un sous-marin allemand vienne les récupérer. Et là, Berlin reçoit le message, organise l'opération, mais par contre, entre-temps, les autorités du camp s'aperçoivent que les prisonniers préparent une évasion et creusent un tunnel sous le camp pour s'évader. On parle d'un tunnel de 97 mètres de long quand même, et le tunnel s'est affaissé. Alors, les autorités du camp se sont aperçues que les prisonniers tentaient de s'évader, mais entre-temps aussi, les les services de renseignement avaient découvert un peu le plan avec la transmission à Berlin. Et il y a quand même un des prisonniers qui s'évade, mais les autorités canadiennes décident de le laisser aller. Et là, le prisonnier, qui s'appelle Wolfgang Heider, il se rend à la pointe Maisonnette, dans la baie des Chaleurs, et là, il est arrêté sur place. Et là, on attend la venue du sous-marin, et là, la marine canadienne a même préparé, s'est même préparée à capturer le sous-marin. On a même modifié des bateaux de pêche avec, pour essayer d'accrocher le sous-marin avant qu'il puisse plonger. Mais finalement, le U-536, qui était le sous-marin responsable de revenir chercher le prisonnier, ne s'est jamais pointé. Il n'est jamais apparu sur les radars. Il a été coulé 4 mois plus tard au large des Açores. Alors, mais c'est un épisode assez incroyable. C'est une opération complexe, et ce qui est assez fascinant, c'est que cette opération-là est coordonnée à partir de Berlin. Donc, Berlin qui est en contact avec les prisonniers de Bowmanville, ça, c'est quand même hallucinant. Oui. Après la guerre, en fait, déjà vers la fin de la guerre, les contacts entre ces prisonniers allemands au Canada et les populations locales se font de plus en plus fréquentes. On entendait Roger Beaulieu au tout début de l'émission parler de ça, du souvenir qu'il avait de ces prisonniers allemands. Pour la bonne raison, Jean-Michel Turcotte, qu'on s'en sert comme main-d'œuvre à bon marché. Beaucoup de ces gens-là vont travailler, vont quitter le camp, puis surtout vers la fin et après la guerre, vont carrément travailler dans des fermes, dans le bois. Comment ça se passe? Quel genre de contacts ils vont avoir, et quelle importance a ce phénomène de main-d'œuvre à bon marché? D'abord, il faut comprendre que le programme de mise au travail des prisonniers débute tardivement au Canada. Si on compare avec les autres lieux de détention, les États-Unis, surtout les États-Unis, les autorités canadiennes hésitent à employer massivement les prisonniers pour des raisons de sécurité nationale. On suspecte les prisonniers d'être des individus extrêmement dangereux. Mais finalement, on se résigne, avec le manque de main-d'œuvre, à la fin de 1943, d'employer les prisonniers en dehors des camps. Ouais. Donc, principalement dans l'industrie forestière et l'industrie agricole, où que le manque de main-d'œuvre est plus flagrant. Il faut par contre majorer l'impact économique de ce genre de prisonniers-là. Dans plusieurs industries, l'industrie forestière par exemple, les employeurs étaient forcés de fournir des conditions de travail relativement bonnes dans le contexte de l'époque, étant donné que les prisonniers étaient protégés par la Convention de Genève. Oui. Et Ottawa n'avait aucun intérêt à avoir une histoire qu'un employeur X, employant des prisonniers dans un camp de bûcherons, leur donne des mauvaises conditions de travail alors que les prisonniers se plaignent. Oui. Alors, les prisonniers, ont été employés dans divers travaux. On parle surtout dans l'après-guerre aussi. Quand la guerre finit, en 1945, et là que le programme prend de l'expansion, bon, maintenant la guerre est finie, le risque de représailles par Berlin est maintenant nul. Alors là, c'est vraiment la grande majorité des prisonniers sont mis au travail. On parle de 16 000 prisonniers en tout à l'été 1945. Ce qui fait que certains d'entre eux, le départ vers l'Allemagne va se concrétiser, ça prend quand même un peu de temps. La guerre finit en 1945. C'est en 1947, je pense, surtout, que les prisonniers retournent, qui sont plus prisonniers. La guerre est finie, retournent en Allemagne. Mais il y en a même qui vont revenir ici. Oui, tout à fait. Donc, les prisonniers, à partir de la fin de 1945, le Canada commence déjà à organiser le rapatriement avec la Grande-Bretagne des prisonniers. Et là, étant donné que c'est la Grande-Bretagne qui avait demandé au Canada d'accepter les prisonniers, elle demande de rapatrier les prisonniers. Les autorités britanniques veulent eux-mêmes utiliser les prisonniers comme main-d'œuvre. Donc, les prisonniers sont rapatriés en Grande-Bretagne, et les Grande-Bretagne les gardent encore au moins une année et demie avant de les rapatrier en Allemagne. Mais certains, effectivement, dans l'après-guerre, plusieurs prisonniers qui ont eu des contacts avec la population à travers les programmes de travaux, par exemple, ont décidé d'immigrer au Canada. Ouais. Jean-Michel Turcotte, c'était fascinant de revoir avec vous cette page qu'on a un peu oubliée de notre histoire. Chercheur postdoctoral à l'Université de Potsdam en Allemagne, je le rappelle. Merci beaucoup, Jean-Michel Turcotte. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.